projets, pense à nos vies. Je remonte le temps, je regrette et maintenant je prie pour qu'un jour on se revoie et qu'on se pardonne tout. C'est quand je t'ai perdu que j'ai vu combien tu comptais. On était jeunes, fous, inconscients de ce que l'on voulait. On pensait comme des adolescents, mais au fond on s'aimait. Comme des âmes.